bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fat Jack, 14 pas de point d'émission Code du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission reggae, où je vais vous présenter 8 reprises de grandes chansons françaises, anglaises, américaines, tout ce que vous voulez, mais en version reggae. C'est une émission qui m'a été proposée par une auditrice qui m'écoute du moins tous les dimanches. Et franchement j'avais déjà eu l'idée, mais en plus qu'elle me demande de le faire, bah, je le fais direct quoi. Clairement voilà, dimanche soir, 21h, on est là quoi, vraiment on le fait direct. Allez les amis, juste avant de commencer cette émission, j'aimerais juste passer une grosse dédicace à une personne avec qui je lui ai promis de lui passer une grosse dédicace. Du coup, je lui passe une grosse dédicace. C'est à Eli, ouais, celui qui présente Génération Rap, et à toute l'équipe de Génération Rap qui sont vraiment au top. Ils gèrent à mort. Si vous avez jamais eu l'occasion d'écouter son émission, franchement, écoutez, parce que c'est vraiment une tuerie cette émission. Il y a des rappeurs nincéens qui passent et de ça, et ils déchirent tout. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer une fois à cette émission, et on avait reçu Le Mas, il me semble que c'était ça. Et c'était une dinguerie, vraiment. Il a balancé du lourd, et c'est tous les dimanches comme ça. C'est Génération Rap, c'est juste l'émission qui passe avant la mienne. Et franchement, une émission comme ça, le dimanche, suivie d'une émission reggae, il n'y a rien de plus cool. Vraiment, écoutez, c'est juste une dinguerie. Du coup, je leur passe une grosse dédicace, vraiment, du plus profond du cœur. Allez les amis, sur ce, commençons avec notre premier artiste, qui est Ed Sheeran. C'est la chanson Perfect, qui a été reprise en reggae. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Franchement, moi, j'adore. Let's go les amis. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were someone waiting for me. Baby, Et bien voilà mes Rasta, c'était Ed Sheeran, Perfect. Allez, je vous propose qu'on passe à notre deuxième artiste qui est un groupe que j'adore et que je réécoute en ce moment d'ailleurs et qui est Nirvana. J'arrête. En ce moment, j'ai replongé dans Nirvana et pas que, hein, encore plein d'autres groupes, mais et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas prendre la chanson Come As You Are en reggae par Little Roy. N'est-ce pas une bonne idée? Eh ben moi, je vous dis, c'est une très bonne idée et c'est pour ça que je vous passe tout de suite. C'est parti. Voilà mes Rasta, c'était Nirvana, Come As You Are par Little Roy. Allez, notre troisième artiste est une grande chanson française que tout le monde connaît. C'est la chanson Voyage, Voyage. Et ouais, ce grand classique de la chanson française, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas si on peut dire grand classique, mais je le dis quand même. Parce que j'ai envie de le dire, tout simplement. C'est dimanche soir, je suis libre, n'est-ce pas? Elle est énorme, avec plus de sérieux, hein. Il faut être un peu sale, on est censé être professionnel. Donc, la chanson Voyage Voyage en reggae, vous allez voir, c'est une dinguerie. Je m'arrête, tu les plaques, tu les cibles, tu les jauges. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des flammes brûlées, des cœurs bombardés, au regard de l'océan. Voyage, voyage. Bien voilà, mes Rasta, c'était voyage, voyage. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, la première fois que je l'ai entendu comme ça, je suis oh là là, oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, quoi. Et franchement, à force, bah, j'ai commencé vraiment à être habitué et j'ai kiffé, tout simplement. Hein. Vraiment, c'était une dinguerie. Et je l'écoute encore maintenant, hein. Vraiment, j'arrête pas, quoi. Ah, j'adore de la façon dont ils l'ont fait, c'est une dinguerie, quoi. Et notre prochaine musique aussi est une dinguerie. C'est une chanson assez déprimante, assez. Ouais, qui fout vachement les boules, on va dire. Hein, c'est pas une chanson très gay. Du coup, je me suis dit peut-être qu'en reggae, ça serait beaucoup mieux. C'est la chanson Sound of Silence. Hein, vous savez, cette chanson que tout le monde connaît, qui est très déprimante. Pour certains, peut-être que ça va pas leur parler. Je vais pas dire les artistes, mais dès que vous allez l'entendre, vous allez vite en reconnaître. En tout cas, j'espère. Mais non, on la reconnaît, vous inquiétez pas. Hein, mais vous allez voir que c'est quand même un peu plus gay que la version originale. Allez, c'est parti. Sound of Silence, c'est maintenant. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping. Mine. notre prochaine artiste, les Rastas, c'est tout simplement Céline Dion. Elle va nous chanter I'm Alive, mais en version zouk. Vous allez voir, ça change et c'est plutôt pas mal. Let's go. Voilà, Merasta, c'était Céline Dion, I'm Alive, en version zouk. Allez, notre prochaine artiste est Veitiani. Il va nous interpréter Belle Île en Mer avec la charmante Marie Carante. Vous allez voir, c'est une dinguerie, ils l'ont super bien repris. Let's go. Belle Île en Mer, Marie Galante, Saint-Vincent, moi Singapour, c'est mou. C'est long. Vous, c'est l'eau qui vous sépare. Et vous laisse à part, moi, des souvenirs d'enfance. En France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café, léger. Les mélanger. bien voilà, Merasta, c'était Vaitaini. Allez, notre avant-dernier artiste est un artiste que je vais vous passer deux fois pour la fin de l'émission. Je vais vous passer une de ses compositions qui s'appelle Toere para Taito. C'est une chanson tahitienne. Cet artiste s'appelle Eto. Il est super écouté à Tahiti. C'est une grande, grande star à Tahiti. Tout le monde l'écoute et vous allez voir, vous allez vous rendre compte. Parce que pourquoi tout le monde l'aime? Pourquoi tout le monde l'écoute? Parce que c'est juste vraiment un chanteur de malade. Vous allez voir, c'est juste super. Ta mari ino te fenua E a hato e mana o te ie o O te ie hairira a api E ora naro to i te ohipa Eito ito oe E ti aita oe hina aro Ia i te here Orara a Ohi e mo Do oe e apapu Do e mo e mo e ahuru o Do oe para taito Mana ohia Pa ora ra oa oa Ati aia tamata Haere ia ite oe Eito ito oe Eti aita oe hina aro Ia ite here Ora ra a ohi mo Do e moe moe ahuru au Do e para taito mana ohia Do e e apapu Do e moe moe ahuru au Do e para taito mana ohia Voilà la Merasta, c'était Eto Tohoe para Taito. Allez, notre dernier artiste est du coup Eto, mais sauf que là c'est une reprise qu'il a fait de la chanson Rossignol de Mes Amours. Une chanson que tout le monde connaît normalement. Hein, et il l'a repris, du coup, vous allez voir, c'est juste une tuerie parce que forcément, vu qu'il est tahitien, il a l'accent tahitien. Il faut savoir qu'à Tahiti, on roule les R et c'est au lieu de dire Rossignol, on fait Rossignol. Et c'est juste une dinguerie, l'accent haïtien, c'est le meilleur, franchement, je l'adore. Et du coup, c'est le Rossignol, et on se quittera dessus, car oui, c'est déjà la fin. Allez, let's go les amis. Il était une fois une fille d'un roi, au cœur plein de tristesse. Enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse Je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chante le soir. Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Oh, Rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil. Le Rossignol vint se poser sur la main de sa jolie maîtresse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie princesse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol. Eh bien voilà mes Rasta, on se quitte sur Eto. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et je vous souhaite une très bonne soirée, hein, une bonne fin de soirée du moins, une bonne semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde. Reviens gentil, ô Seigneur. Soir sous ma fenêtre, reviens gentil, Rossignol, Rossignol, Rossignol, Rossignol.